L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe de chercheurs internationaux vient de mettre en évidence comment une supernova peut produire des quantités phénoménales de poussière, source de plusieurs milliers de planètes potentielles. C'est grâce à un télescope un peu particulier, appelé SOFIA, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, que des astronomes ont pu observer en détail ce résidu de supernova. SOFIA est un télescope de 2,50 m aéroporté qui est installé à bord d'un Boeing 747 SP, pour Special Performance, donc spécialement modifié par la NASA pour accueillir un télescope infrarouge et qui vole à très haute altitude, entre 39 000 et 45 000 pieds, ce qui fait entre 12 000 mètres et 14 000 mètres. Il est exploité conjointement par la NASA et le German Aerospace Center allemand. Les astronomes se sont intéressés à un nuage de poussière interstellaire nommé SNR-SGR à East, qui est le résidu d'une supernova qui a explosé il y a maintenant 10 000 ans. Ce qu'ont pu montrer l'Américain Ryan Lau et ses collègues, c'est que cette supernova avait produit assez de poussière pour fabriquer plus de 7000 planètes comme la Terre. L'équipe a estimé la masse totale de poussière dans le nuage à partir de l'intensité de ses émissions infrarouges. Les astronomes savaient déjà que les ondes de choc générées par les supernovas pouvaient produire des quantités non négligeables de poussière. Et jusqu'à aujourd'hui, on se demandait surtout si les toutes nouvelles particules de poussière produites pouvaient survivre au rebond de la première onde de choc quand cette dernière impacte les nuages de gaz et de poussière environnants. Et la réponse est donc oui. La poussière résiste bien à ces ondes de choc de rebond et peuvent alors se disperser dans l'espace interstellaire pour devenir les graines de futurs petits corps rocheux qui peuvent par la suite, devenir grands comme des planètes. Ce que les résultats montrent aussi, c'est que les grandes quantités de poussière qui sont observées dans les jeunes galaxies très distantes sont probablement le fruit d'explosions de supernovas d'étoiles massives, car aucun mécanisme ne permet aujourd'hui de l'expliquer autrement. L'observation d'un résidu de supernova situé non loin du centre galactique permet ainsi d'en déduire des informations cruciales sur les processus en jeu dans les premières galaxies de l'univers. Et nous rappeler ô combien nous ne sommes que des poussières d'étoiles. L'article de Ryan Lau et ses collègues est paru en ligne le 19 mars dans Science. Il a pour titre « Old Supernova Dust Factory Revealed at the Galactic Center ». A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr et restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre.